Et yes, bienvenue au Connery Show numéro 2. Après une première édition qui a succombé tout YouTube, ça ne veut déjà rien dire pour l'émission. On fait une deuxième émission et aujourd'hui nous accueillons Antoine Mallet, s'il vous plaît. Ah pardon, c'est moi. Bonsoir, bienvenue. Voilà, ça risque d'être une émission assez vénère parce qu'on est potes depuis longtemps, tous les trois. On dit n'importe quoi tout le temps. Deux semaines, mais ça passe hyper vite. Et du coup, on va commencer directement par présenter Antoine. Qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas ? Eh bien, je suis nantais, expatrié en Île-de-France, mais qui revient bientôt. Pourquoi on applaudit ? Parce que c'est stylé d'être nantais, c'est hyper cool. Ah yes ! Voilà, un petit lu. Et Stewart, de temps en temps. C'est-à-dire 15 jours pendant dans le mois. Puis le reste, je suis en vacances. Yes, mais c'est magnifique. On va arrêter. Tu voyages, yes. C'est le principe, ouais. Ah bon? Ouais. Vite fait, ils m'ont vite fait dit. On va passer tout de suite à la première question. Antoine, t'as fait quoi le week-end dernier? Le week-end dernier, je dormais à Oslo. Et j'ai fait un petit tour à Stockholm, sans rester là-bas. Et voilà. Pour le travail. Ouais. Ah, mais c'est magnifique, c'est stylé. Ouais, c'était cool. Ok. Et tu fais quoi quand tu glandes ? Qu'est-ce que je lis un livre en ce moment. Ah yes, on passe directement aux découvertes de la semaine. Allez, ah. Bim. Ça s'appelle Récidive 1938. C'était écrit par Michael Fessel, qui est un philosophe français. Qui, en fait, le livre consiste à simplement réfléchir sur le monde de maintenant. Et par rapport à ce qui s'est passé en 1938 précisément, parce qu'il a fait des étranges similitudes entre maintenant et 1938 pour essayer de réfléchir à l'avenir pour éviter la merde, quoi. Voilà, j'ai plombé l'ambiance, c'est cool. En fait, c'est un livre philosophe, enfin, c'est pas un livre où il y a une histoire. Non, c'est plus pour... Pour la réflexion. Ouais, c'est vrai, c'est purement pour réfléchir, okay. En fait. Yes. Et éviter... comme son nom l'indique, de récidiver 1938 qui a créé tout ce qu'on a connu après. Stylé. Enfin, franchement, c'est grave bien. Je crois que c'est le premier livre que je vais finir dans toute ma vie. Alors franchement, parce que le seul autre livre qui était terminé, en fait, c'est ma mère qui me le lisait avant de dormir. Ok. Voilà, parce que j'avais pas envie de le lire. Non. Ouais. Ben, 1m72. À peu près. Ok, trop bien. Est-ce que tu as d'autres découvertes récentes que tu as envie de nous partager? Ça peut être des trucs vieux, récents. Le seul truc récent, autre truc récent, c'est que je commence l'italien. J'ai acheté un bouquin d'exercice. Donc tu as découvert l'italien. Bah, concrètement, j'ai appris des choses, donc j'ai découvert quelque chose. Oui. Quand tu découvres, c'est que tu ne connaissais pas avant. On est là pour parler sémantique ce soir, bonsoir. Voilà. Donc du coup, j'ai découvert. En inox, mais j'ai découvert l'italien. Yes. Allez. Ça vite est insupportable, c'est génial. Voilà. Et c'est grave cool. Yes. L'italien, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ah bon. Bah moi j'aime bien. Ouais, je sais. Alors, pas, ça vraiment... Ma mère est italienne. Oui, non, mais directement ma mère. Je parle pas des personnes, hein, je parle de vraiment la langue, ça a l'air. C'est cool la langue. Tu veux qu'on parle espagnol ou quoi? Franchement, c'est à chier pas, hein. Aussi, hein, j'en ai fait, voilà. Hein. C'est vrai que j'ai fait un an d'espagnol en LV3, ouais. J'ai eu 3 de moyenne. Ah, ah. J'avais 11. Bah, mais... Du coup, t'aurais dû faire ta LV12, t'aurais été... Mais j'aurais dû. Moi, j'en avais clairement rien à foutre. D'accord, et l'italien? Ouais, c'est cool. Quoi. Cool. Est-ce que on passe à ta découverte, Elliot? Bon, moi, je pense que vous allez vous habituer, mais je découvre vraiment pas grand-chose. C'est pas que je suis pas curieux, mais qu'est-ce que j'ai découvert qui faisait beau là, en ce moment? Ouais, en avril. Il y a du soleil, enfin, franchement, c'est ouf. Et t'as peut-être des couvertures? Des plaids? Non, je suis plus plaid. Je suis plus plaid. Coupable ou innocent, en fait. Ok, yes. Ouais, bon, voilà. Eh bien, moi, je vais passer aux miennes. Hein. Je vais amener un groupe de musique, Little Hurricane. On mettra un extrait sur un fond stylé, là. We'll be right back. they burn the grass to the sea. You Hurricane. Du coup, c'est comme l'ouragan, enfin le hurricane. Ah, c'est voilà. Derrière toi. Là, tu le caresses. Là, voilà, tu fais la météo alors, il y a un ouragan. Mais un petit. Okay. Voilà, voilà. Et j'avais envie d'amener une autre catégorie et j'aimerais vous demander vos découvertes techniques ou technologiques. Une découverte d'un truc que vous avez découvert, mais pas culturel. Yes, cool. Attends, c'est un groupe de quoi ? C'est du rock ? C'est du, c'est du rap ? C'est un duo. Avec du reggae. C'est clairement du reggae, vous l'entendez actuellement. Donc, ça filme des gros bédos. Pour rentrer dans le cliché directement. Des splits. Des splits. Spliff, pas split. Ah ouais ? Ah putain, j'avoue, c'est spliff. Je veux dire, un truc qui me gênait. Non, mais en fait, c'est des formations professionnelles, parce qu'il y a la ville en Croatie, ça s'appelle Split. C'est pour ça. Comme le film, qui est vachement bien. Voilà. Ouais, gâteau, on aurait pu dire ça en découverte. Non, c'est des sprites. Alors, est-ce que vous avez quelque chose dans cette catégorie, une découverte technique ? Je sais pas, par exemple, le coupongle que vous n'aviez jamais découvert auparavant. La brosse à dents. Mais ça se sent. Ben ouais, franchement. Écoute, j'ai découvert ça. Mon micro te remercie d'ailleurs. J'ai découvert ça il y a 3-4 jours. Et en fait, vraiment purement par hasard, je faisais mes courses comme ça. Et puis, un rayon que je ne connais absolument pas, c'est sur l'hygiène. Et depuis, j'ai des amis. Ben non, mais depuis, ben écoute. Les gens me parlent et m'écoutent. Ben ouais, mais mes vêtements arrêtent de fondre. Je suis plutôt content. Parce que financièrement, c'est plus sympa. Oui, c'est clair. Moi, j'ai découvert les gens. J'ai remarqué qu'il y avait d'autres gens en plus de nous. Ça s'appelle Jean ou les gens vraiment tout, de tout type. Ou les jambes. De toutes couleurs, de tout. D'accord. Ouais. Voilà, donc c'est pas une réussite cette catégorie. Elle si, si, quelque si. Chose. Découverte technologique, si, si, j'ai trouvé un truc hyper stylé. Bon, ça coûte 2000 balles, ça sert peut-être à rien, je sais pas. En fait, c'est une platine vinyle où le vinyle il flotte en fait dans les airs. Ça marche avec des aimants en fait. Il est maintenu par des barres, de ce que j'ai vu ça sur le stream, hein, une petite émission. Et du coup, en fait, il est maintenu par des barres, le machin. Et ensuite, je sais pas, l'aimant s'active, je sais pas comment ça marche exactement. Les barres se rétractent et le machin vole et il tourne. Et du coup, il y a pas de frottement. Enfin, je sais pas quoi, une histoire de frottement, c'est je sais pas quoi. Peut-être. Et puis, c'est du coup, tu peux lire un vinyle comme ça. Qui sont inversés, du coup, qui se tiennent comme ça. Il y a pas d'autre aimant au-dessus. Bah en fait, j'imagine qu'il y a un aimant en dessous, la platine elle est aimantée, et que le vinyle qui flotte, c'est une autre. Enfin, il y a un gros aimant au-dessus. Il y a peut-être un petit patin avec le petit bitonio qui passe à travers le disque. Oui, et puis il y a le machin pour mettre le disque en fait, c'est ça qui flotte. D'accord. Et comme ça tourne, et puis t'écoutes ton vinyle, je trouvais ça, mais ça sert à rien peut-être, je sais pas. Non, mais c'est cool. C'est stylé. Ça défie les lois de la gravité en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça a le mérite d'exister. Ça coûte 2000 balles, mais voilà. Ouais, mais pour un truc qui vaut grave le coup. Mais franchement, visuellement, c'est quand même c'est bien. Bah ouais, tu pêches au direct avec ça, quand tu mets de la musique. Ouais, je pense, ouais. On essaiera pour la prochaine émission, on vous tient au courant. Mais moi, en vrai, j'ai pas découvert de... Toi, t'as découvert quelque chose ? Non, j'ai pensé... Oui, j'ai découvert cette catégorie. Ah oui, j'ai pensé à ça. Si, j'ai acheté un nouvel ordi, voilà. Oh, yes. Très évident. C'est un ordi nantais. On arrête d'applaudir à chaque fois qu'on dit un truc ou pas ? Non. Voilà, j'approuve. Ok, bon, on en vient maintenant, on va parler de toi Antoine. Mm-hmm. On va faire découvrir notre grosse communauté, qui tu es, ce que tu as fait, d'où tu viens et ce que tu aimes. Bah, d'où je viens, je l'ai dit tout à l'heure, de Nantes. Oh yes. Voilà. Voilà. T'as dit quoi, ce que j'ai fait ? Oui, comment tu... ce que ton métier, comment t'en es arrivé là ? D'accord. Ce qui t'a poussé Oula. À faire ça ? Moi, déjà, depuis tout gamin, ça me fascinait les avions. Je demandais à ma mère d'aller à côté de l'aéroport à Nantes pour juste voir les avions décoller ou même dans le terminal pour regarder à travers la vitre. Et voilà, pour moi, ça me paraissait complètement inaccessible. J'ai fait un bac génie électronique. Voilà. Enfin, génie, je ne sais pas, mais électronique en tout cas. Parce que c'était à Nantes. Voilà. Avec lui là. Et puis j'ai eu 10, mention Jésus. Donc je suis sur voilà. Après j'ai fait une fac de droit qui m'a pas aidé non plus parce que je me suis vraiment posé la question sur ce que je voulais vraiment faire, parce que finalement on nous demande hyper tôt de savoir ce qu'on veut faire, mais on se rend compte toute notre vie qu'on sait peut-être pas forcément ce qu'on veut faire. Mais en tout cas moi j'ai réussi à me poser la bonne question et je me suis davantage renseigné sur comment devenir steward. Et puis, en fait, c'est tout con, quoi. Bah, c'est vrai. Faire une formation, en fait. Ouais, c'est une formation de tout additionné, ça dure un mois, réparti sur six mois. Et une partie théorique, une partie pratique. Et tout simplement, il faut être hyper assidu, il faut être quand même un peu passionné, même pas mal passionné quand même. Parce qu'il y a beaucoup de termes techniques, beaucoup de choses à assimiler, notamment pendant la partie théorique, avec des examens tous les jours, tous les matins, pour vérifier les acquis de la veille. Et si on n'a pas la moyenne, entre guillemets, on doit repasser en rattrapage, plus assimiler la notion du jour, etc. Enfin, c'est assez intense. Et puis voilà, après ça s'est fait tellement rapidement, donc plus facilement j'ai trouvé. Ok, et le fait de trouver du travail après la formation, comment ça s'est passé? Comment tu t'es débrouillé? Bah après, en fait, on m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé pour travailler pour Air Méditerranée, basé Nantes. Donc ça m'arrangeait puisque j'habitais à Nantes. Et ce à quoi j'ai dit, bah grave. Textuellement, vraiment t'as dit, bah grave. Ah, bah oui, grave. Bah grave en fait. Cordialement. Et, et puis à cette époque-là, oui, j'étais donc livreur chez Chrono Drive pendant 2 ans, je crois. Donc... j'ai dit, bah voilà, au mois de juillet, non, c'est juin 2015, bah, je suis plus là. Voilà. Et bah, c'est là où j'ai commencé à m'envoyer en l'air, quoi, forcément. Ouais. Alors, dans l'avion, encore une fois, hein, contextualisons. Ouais, ouais, bien sûr. Yes, trop cool. Oui. Autre chose à rajouter? Bah, j'ai kiffé, quoi. C'était cool. Puis après, c'est comme ça où, une fois qu'on a le pied dans le réseau, c'est... Après, j'ai postulé dans Cabrest, c'était avec l'Azur. Et j'ai postulé parce que des collègues d'Air Méditerranée ont postulé chez eux. Et puis, ils m'ont dit, bah vas-y, viens et tout ça. Je dis, bah aussi, pourquoi pas. Donc après, j'ai fait un an de contrat chez avec l'Azur. C'était très formateur. Et après, j'ai passé le TOEIC parce que j'avais envie de postuler chez Transavia, donc basé Orly. Et bah, j'ai passé le TOEIC et j'ai été recruté, tout simplement. Yes. C'est ce que j'ai voulu, bah, je l'ai eu. Et puis voilà, après, donc, c'est fait la saison été 2017, c'est ça. Ensuite, petite période de chômage, que l'on appelle politiquement correctement, je dis pas, ouais, carence. En gros, on attend que la saison été reprenne. Et j'ai postulé donc, chez June, la petite sœur d'Air France. Et voilà, depuis le 12 mars 2018, je suis chez June. Oh, c'est précis, c'est beau. Ben voilà. Enfin. Là oui. Un mec qui fait des trucs. Et qui n'a pas l'impression de bosser une seule fois depuis 4 ans. Voilà, parce ouais, que tout bon, additionné, ça fait 4 ans. Mais... 4 ans d'avion, de Steward, ouais. Disent. Et bon, je me permets parce que je te connais, mais du coup, t'es passé chef de cabine aussi, au bout d'un moment. Enfin, ouais. Oui, c'est ça, exactement. J'ai passé les sélections le 27 août. Oh, précis. Le 27 août 2018. Et je suis passé chef de cabine le 22 novembre 2018. Voilà. Ok. Et puis, on va parler un peu de ton métier, parce que je sais pas s'il y en a beaucoup qui font la différence entre un steward, un chef de cabine, ou même ce que c'est un avion, peut-être, je sais pas. Ouais. Bah, Alors, l'avion, c'est simple. C'est un fuselage. Un avion, t'as un fuselage. T'as deux ailes. Ah, on met un schéma en direct, voilà. Juste derrière. Deux, voire quatre moteurs. Ça dépend du gabarit. T'as ce qu'on appelle, nous, la queue. Bon, ben, c'est l'empennage arrière. Mm-hmm. Avec une colonne de direction, de profondeur, tout ça. Qui permet de se diriger aussi bien en l'air que sur terre. Eh ben, tu connais bien ton domaine. On dit bâbord et tribord aussi ou pas? Pas spécialement, non. Non, c'est gauche et droite. Ouais, c'est gauche et droite. Et la gauche, elle est toujours au même endroit. Ouais. Ça peut paraître con. Non, parce que si tu vois comment t'es tourné, en fait, ça change tout. Merci, non, Perceval. Parce que si tu tournes, si tu regardes, mettons, t'es face à l'avant de l'avion, ouais. La gauche donc, est à gauche, la droite est à droite. Mais si tu te retournes, la gauche est à droite. Et la droite reste à... Ouais, ok. Est à gauche. Je vois ce que tu veux dire. C'est inversé. Simplement. Ok. Voilà, mais il n'y a pas bâbord ni tribord. Non. Ça marche. Ok. Voilà. Et sinon, donc, pour continuer. Ouais, voilà. Quelle est la question? Qu'est-ce qu'il fait un steward, à part donner des sandwichs? Alors, le rôle majeur du steward, il est quand même formé à la sécurité, à la sûreté et au secourisme en vol. On va dire que le... et puis donc ensuite donc le commercial donc distribuer les sandwichs comme tu dis. Et ben ça, ça représente, on va dire, pour vulgariser la, la chose, entre 20 et 30% du métier. Concrètement, si tu fais un malaise, on te donne un sandwich, tu serais mécontent. Voilà. En gros, ça, ça schématise la chose. On est formé pour ouais, la sécurité, donc c'est-à-dire si on a un feu à bord, on sait parfaitement ce qu'on doit faire. Pour communiquer entre nous par rapport à des situations d'urgence, on a des phraséologies, type à connaître par cœur également. Au niveau de la sûreté, c'est tout ce qui va être fouille pour prévenir tout attentat illicite qui portera atteinte à l'aéronef. C'est, ça dit comme ça dans notre manuel d'exploitation. Et donc le secourisme, comme son nom l'indique, c'est pour porter secours. Les premiers secours, majoritairement, en cas de malaise vagal, d'AVC, de distinguer certains signes qui vont permettre de réagir le plus tôt possible, le mieux possible. Voilà, tout simplement. Ok. Et la différence avec le statut au-dessus, le chef de cabine. Du coup, le steward, en fait, c'est notre... comment expliquer donc, on est tous steward, que ce soit instructeur, que ce soit... Enfin, steward ou hôtesse. Hein, instructeur, chef de cabine ou PNC, donc personnel navigant commercial. C'est notre métier. Après, vient s'ajouter des fonctions. Donc, moi, j'ai la fonction de chef de cabine. Chef de cabine, il fait quoi? Il va avoir un rôle de managérial au sein de, donc, d'une équipe, d'un équipage. On va gérer, je vais gérer notamment 4 ou 5 personnes. On va aussi être le lien entre donc, tous les PNC et hôtesses, enfin tous les stewards et hôtesses, et le poste de pilotage, donc le commandant de bord et le copilote, ou le troisième copilote aussi, éventuellement. Voilà, on est manager à bol chez Ikea du coup ou Alinea ou Conforama ou, ou oui mais on est subventionné par Ikea du coup c'est Ikea mais voilà donc c'est du management pur et dur. Ok, trop cool. Avec une responsabilité qui m'incombe aussi, par exemple comme souvent sur des vols il y a des problèmes médicaux. Donc, du coup, je laisse donc mes PNC donc les gérer. Moi, je vais récupérer toutes les informations concernant donc le client, si déjà ce qui lui arrive, s'il est habitué, s'il suit un traitement, s'il est accompagné, etc. Et suivant les informations que je vais avoir, que je vais demander et que je vais transmettre au poste de pilotage, ils vont eux prendre une décision, savoir si s'il faut dérouter ou autre. Voilà, c'est tout ça. Faire des appels à médecins. Y a-t-il un médecin dans l'avion? Ouais, c'est ça, exactement. Un client nécessite une intervention médicale. Si vous êtes médecin, bon, merci de vous manifester ou de contacter l'équipage, voilà. Mais d'ailleurs, dans 100% des cas, il y avait un médecin à bord. Wow. À chaque fois. D'accord, donc c'est pas juste une vanne quand on fait « y a-t-il un médecin dans l'avion ?» C'est en fait, ça vérifie. Oui. Parce que l'avantage, on va dire, du médecin à bord, c'est que, vu que nous, on a quand même une responsabilité de secourisme, vu qu'on est formé à ça, s'il y a un médecin, en fait, on fait un transfert de responsabilité. C'est-à-dire que moi, je vais plus prendre de décision des points de vue du client. C'est moi qui vais lui poser des questions. S'il me dit de faire ça, moi, je fais ce qu'il me dit. Comme ça, je me couvre derrière sa responsabilité à lui, puisqu'il nous aura au préalable montré sa carte professionnelle qui est nécessaire pour bien prouver que c'est un médecin et qu'il a aussi sa responsabilité qui est derrière. Parce que si on ne la vérifie pas, du coup, et qu'il s'avère que ce n'est pas un médecin du tout, ben là, c'est ma responsabilité. C'est... Ouais. Et est-ce qu'il est obligé de se déclarer comme médecin? Est-ce qu'il peut rester... Enfin, au point de vue de son métier, je ne sais pas si tu as la réponse, mais au niveau de la déontologie. Ce que j'allais demander, oui, parce que, par exemple, moi j'ai déjà été SST, et quand tu es SST, tu es obligé d'intervenir, sinon c'est de non-assistance, personne en danger, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'un médecin... C'est possible. Ouais. C'est possible. Après, à chaque fois, il y a toujours un médecin qui s'est manifesté, parfois à deux. Bon, parfois, ça fait être... Une fois, j'ai eu le coup, c'était un gynécologue qui s'est manifesté. Je dis pas qu'ils sont pas compétents, pas du tout. Je connais pas du tout leur formation, mais je sais pas s'il peut répondre à toutes les questions que nous on pourrait avoir besoin. Par exemple, sur un AVC, j'en sais rien. Je sais pas si. D'accord. Donc, peut-être ils seront obligés. Je ne sais pas. J'espère. Ce serait cool. En tout cas, quand ils se manifestent, ils ont envie de faire quelque chose de bien. Ouais. Okay. Oui. Enfin, ils nous transmettent bien toutes les infos. Donc non. Cool, encore un peu d'humanité dans ce monde. De con. Ce monde de quoi ? Je sais pas, je vous laisserai libre interprétation de ce que j'ai dit. Je l'ai dit en avalant le mot exprès. Ouais. Eh bien les copains, nous allons... Ouais, il y a eu un cut entre les deux et vous l'avez pas vu, c'est la magie du cinoche. De YouTube en tout cas. C'est le moment de parler du sujet du jour. J'ai deux sujets à vous proposer et on va choisir entre les deux et on va parler un petit peu tous ensemble de ça. On va voir ce que ça nous dit. Ouais. Bien sûr. Le premier que j'ai à vous proposer, ce sont les jobs alimentaires. Voilà, je voulais parler d'avoir un job pendant les études, en attendant d'atteindre son but, le garder, et pourquoi pas comme métier, à côté de passion, et puis des anecdotes un peu démesurées quant à l'intérêt qu'on a pour ce job. D'accord. Voilà, c'est le premier sujet que j'avais envie de discuter avec vous. Mmh. Et le deuxième, je suis moins persuadé de ça, mais c'est donner des nouvelles à des proches ou à des amis. La relation qu'on peut garder à distance avec la technologie qu'on a, la fréquence, la régularité avec laquelle on peut voir différents amis, comment ça peut se traduire dans nos relations, est-ce que c'est quelque chose qu'on réfléchit ou est-ce que c'est quelque chose qui vient, je le pense de toute façon naturellement. Mmh. Ce sont les deux sujets que j'ai à vous proposer. Les deux me parlent carrément bien, je peux pas choisir. Bah, faut vraiment choisir, d'accord. Bah après on va vraiment faire 3 heures d'émission. On est censé choisir en fait. Après, le job alimentaire, on a vécu le cas tous les trois. Donc c'est ça qui est intéressant. Facile, on peut vous en parler, hein, ça. C'est trop bien. Bah go, hein. job alimentaire. Allez, Ok, bon, j'ai contextualisé, putain. J'ai pas dit putain, j'ai rien dit du tout, merde non. Alors. Maréchal Pétain. Maréchal Pétain. Oui. Putain, ouais. Ah, pardon. Alors, contextualiser un petit peu. Donc, Antoine, on se connaît depuis le lycée. Et on a bossé tous les deux à Chrono Drive, là où on a rencontré Elliot. Voilà, donc on a tous les trois travaillé à Chrono Drive, qui était pour nous trois un job alimentaire. Oui. Voilà, arrêtez-moi si je me gourre. Je ne vous arrête pas. Attends, En tout cas, au départ. Qu'est-ce que tu appelles ? En fait, est-ce que tu veux dire qu'on bosse dans l'alimentaire ou c'est un job pour s'alimenter ? Pour s'alimenter, pour pouvoir manger à la fin du mois. Moi, j'ai pas du tout compris ça. Alors moi, j'avais compris comme lui. D'accord, ok, ça marche. Donc le sujet ne me dit pas du tout. Ok, non, si. Ok, ça marche. Ouais. Ouais, c'était vraiment le job qu'on fait pas par passion, mais parce qu'il faut payer son loyer, ses factures. Pour dépanner, pour se bouger, en fait. Oui, pour ne pas crever la dalle. Ou moins crever la dalle. Ok. Pour un 10 heures, par exemple. Sinon, après, il y a le RSA, il y a plein d'autres solutions. Hein. On parle du coup du job alimentaire. Qui veut commencer son expérience ? Pourquoi ? Comment ? Où ? Bah, vas-y, je commence. Vas-y, Elliot. Donc, du coup, j'ai bossé 5 ans à Chrono Drive. Donc, moi, j'avais commencé, c'était en parallèle avec des études. Ouais. Ouais. Ça date, ça veut dire. En gros, j'ai obtenu un DUT, génie mécanique et. Oh putain, je me suis un peu. En tout cas, on est tous les trois des génies en tout cas. Génie mécanique et productif GMP à Angoulême, dédicace. Commande si tu regardes à partir d'Angoulême. Donc, du coup, j'ai obtenu mon DUT. Je sais pas comment, mais j'ai obtenu. Et je me suis dit, parce que moi, en fait, bosser dans ce domaine-là, ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais je me suis dit, j'ai commencé, je vais continuer. Donc, je suis allé à la fac. Erreur. Grosse erreur, la fac. Du coup... Mais qu'il dit-tu ? En plus, c'était une fac de génie mécanique et génie civil. Sauf que c'était vraiment que du génie civil, quoi. Le mécanique, c'était vraiment juste pour attirer les gens. J'en sais rien, je sais pas. De toute façon, j'avais pas fini le programme. donc en gros, j'ai fait 6 mois. J'ai fait, vas-y, ça m'intéresse, mais pas du tout. Et donc pendant ces 6 mois, j'avais Chrono Drive à La Rochelle. J'étais en 12 heures par semaine, je sais plus. Et j'ai arrêté complètement, en fait. Ce job étudiant, il était... je sais pas comment dire... chronophage par rapport à mes études, je sais pas comment dire. Chrono Drive, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Bande de bâtards. Elle est bonne. Il l'a eu juste avant moi. Elle est bonne. Mais je sais pas comment dire, mais. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour pas mal d'étudiants avec qui j'ai bossé à Chrono Drive, parce que après, du coup, je suis devenu à temps plein à Nantes. Et souvent, en fait, tu signes un CDI et du coup, t'es dans la boîte et tu as des perspectives d'évolution et du coup, ça, j'ai pas envie de dire ça t'arrache de tes études, parce que c'est ton choix. Enfin, tes études, si tu les fais ou tu les continues pas, c'est ton ressort. Mais tu te dis, bah ouais, mais j'ai un job. Enfin, voilà, les études, ça casse les couilles. Je suis pas obligé de continuer, quoi. Je peux garder mon job et puis évoluer. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui étaient à Chronodrive avec des études et qui ont arrêté pour rester dans la boîte, en fait, et qui ont évolué. Et je pense que j'ai été pris dans ce système aussi. Hein. Après, c'est de ma faute, encore une fois, parce que c'était mon choix et que ça me cassait les couilles, la fac. Voilà. Après, c'est le côté très attractif aussi du truc. C'est un premier job, on se rend compte qu'on peut gagner de l'argent et faire un truc pas trop chiant. Ou... Et ben, en fait, ouais. Et puis, t'es avec plein d'autres jeunes, du coup. Ouais, il y a l'ambiance qui est quand même. Il y a l'ambiance, ça te garde quand même. C'est vrai qu'on a passé des bons moments. Quoi. Moi, je comprends complètement qu'on puisse abandonner effectivement des études ou des passions ou quoi que ce soit en se disant, bah tiens, c'est cool, je suis confort. Et je ne vais pas aller chercher plus loin parce qu'en fait, ça me plaît à juste mesure. Ouais, ça dépend de chacun. Ben, c'est ça. Ouais. Puis bon, après, à force d'y bosser, bah, tu te rends compte de certaines choses et puis tu quittes la boîte. Quoi. Te concernant. Hein ? Te concernant. Oui, oui, oui, non, oui, bien sûr. Oui. Oui, je parle de moi, bien sûr. Voilà. Très bien. Eh bien, moi, je faisais ça en parallèle de la fac. Parce que on sait que ma mère m'a pas mal poussé à bosser. Et la seule opportunité qu'il y avait à l'époque, c'était souvent McDo. Tout le temps McDo. Et j'avais tellement pas envie de bosser chez eux. Mais vraiment pas. Et donc, quand j'ai découvert donc Chronodrive, à l'époque, j'habitais à Éric, en Connor de Nantes. Et donc, j'ai postulé. Je crois que je devais avoir 21 ans, je crois. Et... Non, moi j'ai plutôt bien vécu le truc parce qu'après j'y allais vraiment en pleine conscience que c'était temporaire, que c'était pour bosser un petit peu, c'était majoritairement pour payer mes week-ends de débauche et d'excès. Concrètement, voilà, hein. J'avais pas mal d'APL, je crois que je payais 570 de loyer, je me souviens, et j'avais 370 d'APL, je crois. Ouais. Enfin, en tout cas, j'avais beaucoup d'APL. Ouais. Et donc ouais, ça payait mes sorties le week-end. J'étais en 12 heures par semaine. La moindre heure sub, je disais non. Parce que c'est 12 heures. J'ai signé pour 12 heures, donc voilà. D'ailleurs, petite révélation, quand je devais faire 9 minutes de pause, j'en faisais 15. Oh putain. Allez. Oh là là, on en a beaucoup. Attends. Non, c'est arrivé qu'il y a des semaines que je fasse beaucoup plus. Mais généralement, c'était trimestrialisé. Mensualisé. Attends, c'était quoi, la modulation ? C'était sur 3 mois, je crois, la modulation. Je sais pas, à La Rochelle, il n'y avait pas, et je suis arrivé à Orvault, et du coup, ils ont mis ça en place. D'accord, bref, en tout cas, c'était lissé sur une période donnée. Ouais. Oui, si, oui. Voilà, et donc, ouais. Du coup, je faisais bien plus qu'il fallait en temps de pause. Mais, à côté de ça... J'étais plutôt efficace en livreur. Après, ouais, voilà, cas, ce que j'allais dire, tu étais quelqu'un qui se bougeait quand même pas mal, donc. Disons t'étais que. T'étais dynamique en tout cas. Bah, je suis hyperactif déjà de nature, donc. Ouais. Donc oui. Moi, toutes les livraisons, en fait, je courais en permanence. Ouais. En plus, ça faisait mon sport. La preuve, j'en fais plus moins. Mais non, franchement, donc peut-être qu'on me disait rien pour ça, je sais pas. Mais moi, j'ai eu aucun problème là-bas. C'était cool. Mais je savais que c'était temporaire et que j'aspirais à autre chose. Donc ça dépend de chacun finalement. Yes. Bon, alors vite fait, moi effectivement, moi je l'ai pris, j'avais rien à côté parce que j'avais un contrat qui s'était arrêté un peu brutalement dans la sonorisation en régisseur de salle. Et du coup j'ai lancé Chronodrive, j'avais rien du tout et à côté j'ai développé la photographie. Et du coup je suis resté 9 mois là-bas, mais le temps en fait finalement de développer un peu mon savoir-faire, d'accumuler du chômage et de pouvoir après me lancer indépendamment de tout patron. Voilà. On va juste noter, j'ai trouvé que c'était très savant, le jeu de mots, développer la photographie. Ouais. Développer. Ouais, j'ai vraiment pas fait exprès. Ouais, ouais. Voilà. C'était simplement une petite... C'est top. C'est, ouais, moi, je le retiens. Je vais le noter, j'arrive. Oui, ça vaut le coup. voilà, je voulais parler aussi du côté... du coup, on a tous fait ça, pas en ayant rien à foutre, mais c'était pas le job de nos rêves. Rien à faire, pardon. Putain. Et en fait, je voulais noter un peu le côté où c'est quand même... On rentre dans une entreprise... tout cas des règles d'hygiène, bah, de respect évidemment, de tout ça. Il y a des enjeux. Et nous, en fait, nous, tous les étudiants, par exemple, qui peuvent être dans ces jobs, pour eux, c'est purement alimentaire, c'est pas une passion, c'est vraiment pour payer leur week-end de débauche, par exemple. Mmh. Et d'excès. Et d'excès. et du coup, cette disproportion qu'il peut y avoir entre des enjeux et des étudiants qui n'en ont rien à faire, je sais pas comment vous l'avez vécu. Est-ce que ça vous a donné un peu de recul, justement, sur la gravité qu'il pouvait y avoir ou... Bah après... Ça dépendait des gens aussi. Moi, à titre personnel, je faisais bien mon taf. Enfin, je pense que je faisais bien mon taf parce que je voulais bien faire, en fait, enfin, tout simplement. Et même sur la fin, jusqu'au dernier jour où j'allais quitter, j'ai quand même essayé de bien faire. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont là ben, pour avoir leur thune à la fin du mois et... qui s'en foutent, mais ça sera dans tous les jobs, je pense, j'en sais rien du tout. Mais oui, il y a un décalage, bah surtout quand si t'embauches des étudiants, des personnes qui savent qu'ils vont pas rester. Ouais, c'est un risque, c'est le risque, quoi, mais est-ce que c'est pas pareil partout? Bah, je me dis que dans un cabinet, je sais pas comment on dit, de graphiste par mm-hmm. exemple, tous les graphistes qui sont embauchés, je me dis que graphiste, je sais pas pourquoi, ça, pour moi c'est une profession par exemple où t'es passionné où t'as vraiment envie de faire ça et qu'il faut se battre un peu plus pour accéder à ce job là que pour rentrer à chrono. Oui. Après il y a certainement des gens passionnés par les jobs alimentaires peut-être. Oui, sûrement, mais nous comme c'était dans le cadre à côté majorité. D'études, des jobs alimentaires, bah, peut-être qu'ils sont passionnés par Chrono Drive effectivement, par le fait de gérer tout ça et qui ont envie d'évoluer dans cette entreprise. Mais dans notre cas, en tout cas, on est arrivé là-dedans à côté d'études. Donc, c'était clairement pas pour exercer une passion. Oui. Ah oui, complètement. Moi, je sais que j'avais un décalage par rapport à ça. Aujourd'hui, je me rends compte que Chrono Drive, effectivement, il y a un enjeu où il faut garder la clientèle, il faut fidéliser le client. On nous le rabâche tout le temps. Et moi, c'est que, bah, après, j'étais un peu dans les coulisses. Je voyais pas souvent les clients. Quand je les voyais, j'étais content d'ailleurs. C'était le meilleur moment de ma journée. Je crois que j'étais livreur, c'est qu'au moins j'avais les contacts clientèle et j'adorais quoi. Ah, j'aurais adoré ça, effectivement. Mmh. Je serais resté un peu plus longtemps, genre un mois ou deux, je pense. Mais je sais que du coup, j'avais pas la relation client et en même temps, je faisais la même chose machinalement et je perdais un peu ce côté-là de tiens, il y a un enjeu à la fin, il faut qu'on se batte pour un truc. Non, on s'en fout quoi. Ouais, la conscience professionnelle, je crois que c'est comme ça s'appelle, je crois. Ouais, bah aucune conscience de. j'avais bah, rien. Du monde de... du travail. On se rend peut-être qu'on se rendait pas compte que c'était un travail. Donc c'est. Il y a des responsabilités. Il ouais. y a un respect de la hiérarchie. Il y a. Bah tout ce qui découle du monde du travail. Il y a faire son travail et puis il y a le faire bien. Et moi, ne pas me rendre compte de ça et puis ne pas avoir la passion effectivement pour ce job-là, ça a enlevé le bien. Je faisais juste. Le minimum du travail qu'il fallait et je ne me rendais pas compte. Ouais, ça dépend. Comme dit Antoine, il y a sûrement des personnes que ça passionne. Mais nous, on aspire à autre chose. Quoi. Enfin, ouais, c'est ça. On est tous différents, de toute façon. Ouais. Non, bien sûr. Et du coup, si vous l'avez vécu, est-ce que vous avez... Par exemple, moi, j'en ai passé des moments où ça ne marchait pas avec l'administration, par exemple, du magasin. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris si vous avez subi bah, du coup non parce que vous travailliez tous les deux bien. Franchement j'ai eu zéro souci, j'ai demandé une rupture conventionnelle, je l'ai eu, on n'a pas tergiversé pour me la donner, j'ai pas bataillé non plus, j'ai juste dit voilà telle date je ne suis plus là, point. Il n'y avait pas point d'interrogation en fait, c'était point, c'est comme ça, c'est parce que j'avais déjà quand j'ai intégré l'entreprise, enfin Chrono Drive à l'époque, et j'ai dit voilà mon but c'est de faire tel métier, je fais ça en parallèle des études en complément et pour voilà, certainement pas par passion, donc j'ai zéro problème, zéro. Après ils s'en doutent effectivement, même moi quand je suis arrivé ils le savaient, que c'est pas que j'en ai rien à foutre mais que j'aspirais clairement à autre chose et que je faisais déjà cette autre chose en plus. Mais je sais pas, moi c'est vrai que les moments où il y a eu des tensions du coup avec la direction, j'étais en décalage avec on m'engueule entre guillemets, on me dit il faut faire ça parce que c'est important et tout, et je me rendais pas compte de ouais, enfin je m'en fous en fait, enfin c'est pas ce à quoi j'aspire, et du coup ça enlevait un peu de l'importance à ce qu'ils pouvaient me dire. Ouais, effectivement. Ouais. Il y avait un décalage comme ça, et du coup je me dis que ça peut être le cas d'énormément d'étudiants qui travaillent là-dedans. et que ils fondent beaucoup en fait leurs emplois sur l'emploi étudiant parce que c'est désavantage énormément pour eux. Mais en fait, finalement, est-ce que c'est pas est-ce qu'ils se mettent pas un peu du plomb dans l'aile en faisant ça majoritairement? Bah vous, vous avez bien bossé. C'est une bonne question, mais après c'est vrai que un petit jeune de 18 ans, ça va être son premier boulot. Il est facilement, je sais pas comment dire, c'est pas négatif hein, ce que je dis, mais il est facilement malléable en fait. On va plus facilement pouvoir lui donner des ordres ou le former sur un truc qu'un mec, tu vas recruter un mec de 40 ans qui a déjà plein d'expérience, qui a bossé dans plein de boîtes et qui va te dire bah non, faut pas faire ça comme ça, faut faire ça comme ça. C'est une facilité pour eux. Après, c'est aussi une difficulté, ben, comme tu dis, dans le sens où le gars, il sait qu'il restera pas. Et puis voilà. Oui, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Quoi. C'est un pari, en fait. De toute façon, quand tu recrutes quelqu'un dans une boîte ou même n'importe où, c'est un pari. Quoi. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est qui tout double. Ouais. Ok. Ben voilà, c'était vite fait, j'avais envie de parler de tout ça vite fait. Vite fait en 15 minutes. Non, mais c'est intéressant quand même. C'est vrai qu'on est passé par là. Il faut pas avoir honte de son boulot après non plus. Hein. Oui, après on est passé par là. Moi actuellement, encore aujourd'hui, il y a des. Du coup, en indépendant, en photo, vidéo, son, enfin tous ces trucs-là que je fais, il y a encore des plans, des prestations que je fais comme un job alimentaire parce que c'est pas. C'est parce que j'adore. Par exemple, si on me demande, aucun déni, hein, si y a un chanteur de rap qui vient me voir et qui me dit « Tiens, j'ai pris un son sur YouTube, vas-y, enregistre-moi », je le fais dans le cas où j'ai le temps. Mais si je le fais, c'est vraiment juste parce qu'il y a rémunération. Parce que c'est pas un pote ou il n'y a pas d'affinité ni avec le style de musique, ni avec la personne, parce que je ne la connais pas. Il y en aura peut-être après, hein, on se fait plein de copains. Mais... encore aujourd'hui, il y a des côtés de mon métier où je vais faire de la prestation dite alimentaire parce que plutôt que de rien faire, évidemment. Oui. Donc, du coup, toi, dans le cas d'un contrat, dans le cas d'un contrat passion, c'est pas le cas. Du coup, t'as pas de. Ah bah. Donc, il y a un moment où tu te montes dans l'avion et tu te dis fais chier. Aucun moment. Parce que même quand je me lève, quand je me réveille, genre à 3h du mat. C'est comme ça. Moi, j'ai signé pour ça. C'est mon quotidien et je le kiffe, quoi. Ouais, tu kiffes, c'est trop cool. Ok. Toi, du coup, avec ta situation actuelle Si, moi, j'aime bien ce que je fais. Après, quand on nous change de poste, c'est moins pareil. C'est moins pareil, mais... Très français comme phrase. Non, oui, bah forcément, quand on te met sur quelque chose que t'as pas forcément envie de faire, tu kiffes pas. Enfin, c'est normal. Oui, du coup, en fait, aujourd'hui, toi, c'est considéré comme c'est pas un job alimentaire au sens où ça te fait chier d'y aller le matin, quoi. Non, par contre, je suis content d'y aller. J'aime bien mon équipe. Je suis tout seul dans mon entrepôt. Bosser tout seul, c'est super. Enfin, j'adore. Donc, ouais, non. Non, là-dessus, pas de problème, quoi. Ok. Mais du coup, toi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, enregistrer un album. Tu disais enregistrer une chanson YouTube, là, je sais pas quoi. Ouais. Les rappeurs. Oui. Oui, en fait, même dans le cas où c'est ce que t'aimes faire, le faire pour ça, en fait, ça te plaît pas, en fait. Enfin, je sais pas là où ça... La frustration que je vais avoir, par exemple, c'est, par exemple, j'ai calé cette prestation, on va dire, un mois avant, et je me lève le matin, ça y est, on est le 22 décembre, il faut que j'enregistre Robert Lafondue. Excellent. Fatal Bazooka. Il faut que je l'enregistre sur une chanson pendant 2 heures au studio, en y allant, en me réveillant le matin... comme je suis dans un domaine où je crée tous les jours, forcément, que ce soit de l'écriture, que ce soit de la photo, que ce soit de la vidéo, imaginer quoi que ce soit, la frustration que j'ai, c'est de passer du temps à faire ça, même si c'est payé, alors que je pourrais faire mes projets à moi, en fait. Oui, d'accord. Parce que quand c'est un album que j'aime, par exemple, et qu'il faut que je passe 2 semaines et demie en studio pour l'enregistrer pour un tel ou tel groupe, je me dis cool, je vais passer 2 semaines et demie, on va créer un support et. Mais c'est un projet plus conséquent et qui me motive. Là, c'est trop cool de créer un album. T'as 12 chansons, il faut que ça soit cohérent. Tu crées vraiment un univers. T'as un univers, vraiment. et c'est, en fait, la frustration que j'ai, c'est de passer du temps alors que c'est pas créatif pour moi de placer un micro champ, oui, de mettre une instru. En fait, quand je dis YouTube, c'est qu'il a pris une instru libre de droit sur YouTube, ouais, et que j'enregistre ce qu'il a écrit en allant sur cette instru, et c'est fini, quoi. Je mixe une voix et j'envoie, et il y a pas de suite, il y a pas de projet, il y a pas de construction, il y a pas de visuel, il y a pas de management, il y a toutes ces choses là que je kiffe dans la musique. Il y a pas, c'est juste vraiment une prestation. Tu fais ça et salut. Ouais. Il y a même pas de gain en compétences, quoi. Vite fait quand même. Moi, je peux essayer des trucs sur la voix. On va dire moins. Oui, moins, ouais, mais à moi aussi de pousser le job au maximum et de me dire, voilà, sur sa voix, je peux faire tel traitement, je peux essayer tel truc. Et de le faire bien, justement, de pas non plus de le prendre en job alimentaire, à côté des études, je m'en fous. Oui. Et de faire un truc quand même qualitatif, oui, qui convient. Et on sait pas combien de petits rappeurs il va me ramener. Ouais. Et ça se trouve, ça va me faire un mois à 10 000 direct parce que je vais en enregistrer un toutes les demi-heures. Snoop Dogg, il va arriver. Qui c'est, mec, j'ai kiffé ta réverb. Merde, la réverb. Voilà. Oui, il y aura plusieurs répliques des visiteurs encore pendant les 4 prochaines heures d'enregistrement. Donnez-nous des sous. Plus quoi. Ça tombe bien, il me faut 9 000. Pour ma cuisine. J'ai ma cuisine à payer. Enfin, c'est 8 550, mais 9 000, ça me va. On va pas gigoter, hein. Jamais. C'est une cuisine, quoi. C'est une cuisine IKEA, cuisine. Ixina. Ixina. C'est sur mesure, c'est un truc sur mesure ou c'est. Ouais. Ah, oui, c'est sur mesure, oui. J'ai apporté mon plan, il a regardé, on a tout remesuré. J'ai regardé quel type de façade des placards je voulais, le plan de travail, l'électroménager, le type d'ouverture des placards, en bas, en haut, enfin des meubles. Voilà, de A à Z. 9000 balles. C'était un prof de maths qui vient de citer. Monsieur Amin. Si tu m'entends, tu me vois. Quand il y avait des gens qui fumaient dehors devant le lycée, ouais, du poison. Des poisons. Sauf que l'année d'après, monsieur fumait. Ah, mais oui, voilà. Ça. On vous invite dans l'émission. Je vous connais pas, mais on vous invite dans l'émission. Monsieur Amin. Si vous êtes professeur, venez. Ceci dit, lui, ça se voyait qu'il était passionné par ce qu'il faisait. Il fait ça, ouais. C'était génial. Je pense que c'est le meilleur prof de maths que j'ai eu. Franchement, il était hyper investi dans son truc. Quand il résolvait une équation, c'était yes, j'ai résolu une équation. Enfin, c'est... Mais on sentait qu'il y avait une certaine fierté, parce qu'après, il y a toujours ce petit sourire. Genre, t'as vu? Je leur ai démontré ça. J'ai trouvé en fait, X, mon gars. Non, mais c'est ça. C'est génial. Ils ont rien compris. Je leur ai démontré par A plus B ce que tu veux. Ils comprennent rien, et pourtant, il y a tout l'écrit là. Il était battu de copie. Non, mais ouais. Ah, j'adorais. Monsieur Amine, si vous voyez ça, venez dans ce connerie show. Ce serait génial. Bon, du coup, la caméra a coupé entre temps. Du coup, on va reprendre un peu là maintenant. Du coup, on est à l'inverse de ce prof hyper passionné qu'on avait du coup en première et en terminale. Mm-hmm. On a eu une prof de maths en seconde. Dont nous ne dirons pas le nom. Non, on va taire son nom, voilà. Mm-hmm. À qui on apprenait les maths. On va taire le lycée aussi, du coup. À qui on apprenait les maths. Et là, quand on n'arrivait pas à résoudre un exercice, on proposait une façon de résoudre le problème. Et quand on lui donnait notre solution, elle dit « Ah oui, tiens, c'est peut-être une solution, ça. Oui. » Mais vraiment, genre en mode « Tiens, peut-être ça va résoudre notre problème. » Et on avait envie de lui dire « Mais vous êtes censé savoir un peu. » Oui, mais tu vois, ça se trouve, c'était une méthode ludique pour faire comprendre à l'autre qu'on était intellectuellement supérieur à elle. Et donc, du coup, la preuve, ça nous a marqué. Et ça nous a pas appris les maths, par contre. Oui, c'est vrai. Par contre, on se sentait puissant, mais on n'a pas du tout appris les maths. Oui. Pourquoi tout ça? Tout ça pour de A à Z. Pour dire de A à Z. Ouais, ok. Et poison, voilà. Donc, on l'a déjà invité, on a fait, voilà, hop, clac, clac. C'est lancé. Les copains, j'ai envie qu'on passe au second sujet que je vous ai proposé, qui est donner des nouvelles à un proche, à sa famille, à ses amis. Comment vous le vivez, comment vous le réfléchissez, ce que vous forcez en soi à faire, ce dont vous n'avez pas forcément l'habitude. Bah, direct, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est le nombre d'heures qu'on passe au FaceTime. En FaceTime, c'était entre 3 et 4 heures, je crois. Ouais, mais pareil, c'est tout le, voilà, tout, au moins tous les 3 mois, je crois que c'est ça. Ouais, c'est par période. Par période. C'est pas du tout calculé ou... Ah non, c'est... par pur hasard. Voilà, c'est la chose. Donc ce sujet était hyper intéressant. Voilà. Merci d'avoir regardé ce commentaire. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi personnellement, je suis quelqu'un qui ne va pas donner de nouvelles. Bonne nouvelle. Pas parce que Ouais, pas parce que ça m'intéresse pas ce que font les autres, etc. Tu peux le dire. Ni parce que j'ai rien à dire. Mais je sais pas, pour moi, on est quand même connectés. Maintenant, aujourd'hui, on a Facebook, on a les réseaux sociaux, on voit des choses passer. Il y a les stories, les photos Instagram et tout. Et du coup, enfin, voilà, ça met un peu au courant. Par exemple, pour vous donner, ça va vous choquer, mais ma famille, ma mère, je lui envoie un SMS tous les 3 mois, quoi. Et pourtant, je suis en très bon accord avec eux. Je les vois une fois par an, on s'envoie un SMS tous les 3 mois, parce que je ressens pas le besoin d'aller tout le temps savoir ce qu'elle fait. Je sais que ça va, quoi. Si jamais il y a un truc qui va pas, elle va tout de suite me le dire. Et puis moi, pareil, en fait. Et voilà, j'ai pas ce besoin de tout le temps avoir à demander des nouvelles ou de dire ouais, tu m'as pas donné de nouvelles depuis 3 mois. Et pour toi, ça veut pas dire que c'est une mauvaise relation. C'est pas une mauvaise relation. Termes, ouais. Un de mes meilleurs potes, Olivier, pareil, quoi. On s'appelle vraiment pas souvent. C'est pas spécialement parce que j'ai pas le temps, même si je fais beaucoup de trucs à côté, mais c'est parce que, j'ai peut-être pas ce besoin de. Enfin, je sais pas ce que j'ai dit, en fait, si ça va, quoi. Et si ça va pas, ben, je le sais. C'est vrai que moi, je le traduis, je suis un peu comme ça, effectivement. Je le traduis un peu par présentiste. Quand il y a des gens autour de moi avec qui j'interagis, dans un collectif vidéo, dans le travail, dans un pote qui vient passer une semaine à Nantes en vacances ou quoi que ce soit, je vais avoir tendance à réfléchir par rapport à ce qui est autour de moi dans l'actu, quoi, dans le moment. Si, mais je sais pas, des cousins qui sont loin et que je vois rarement, en fait, je les tiens pas informés de ce qui se passe dans ma vie, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, le gros stress du ça va, tout va bien, on l'a pu parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, on voit énormément de choses, on voit les gens vivre, clairement. Et c'est pour ça que je prends peu de nouvelles des gens avec qui j'interagis pas, effectivement, dans tous les jours. J'ai pas ce besoin-là d'aller boire une bière tous les vendredis soirs parce qu'on est des gens qui doivent se voir. Et j'ai pas ce truc-là de on doit se voir parce qu'on est potes. J'ai ce truc-là de. non, j'ai ce truc-là de on interagit ensemble à un moment parce qu'il y a des trucs à faire et que si on se parle pas pendant un an. Eh ben on se parle pas pendant un an et effectivement on va se retrouver et tout ira bien parce qu'on sera heureux de se voir. Et puis il y aura plein de choses à dire. Ah putain, là oui. Parce que parfois à la fin de FaceTime, on n'a plus rien à dire en fait. Ouais, c'est différent. On fait les répliques des visiteurs. Ouais. Bon, y a aussi un côté où, je sais pas, on travaillait en même temps. Enfin, moi je bossais à ce moment-là. Enfin, moi je peux pas être au téléphone en travaillant. Mais non, c'est bah vrai, je. Moi j'étais chez moi sur mon ordi en train de bosser et c'est vrai que c'était une présence, c'était marrant, c'était pas. Non, bah oui, c'est ça. C'est comme si on était côte à côte, en fait. Ouais, c'était même pas réfléchi, je sais pas. Non, non. C'était drôle. Ouais. Sinon, moi, généralement, je donne quand même des nouvelles aux gens. Parfois, j'y pense pas. Parce qu'en même temps, le temps passe tellement vite. Non, mais ça passe vite. J'y pense pas, hein. Ça passe super vite. C'est ouf. Moi, jamais je pense à dire à un pote que je vais avoir depuis le primaire ou depuis le collège, de lui dire, tiens, j'ai fait ça, ou j'y pense pas, je mets au courant les gens. Je sais pas, je gagne au loto, waouh. Yes, j'ai gagné 100 euros au loto, parce que c'était un petit tirage. Ah, moi, je le dis pas, moi. Si je gagne, je dis rien. 100 euros, je le dis. Bizarrement, tes amis sont un peu plus près. Mais non, mais j'ai acheté un chat. Wouh ! Je le dis aux personnes qui vont être autour de moi à ce moment-là. Et le gars, ça peut être le meilleur pote de la vie que j'ai depuis que j'ai 0,1 an et qui j'ai tout partagé. Bah, je vais pas lui envoyer un message pour lui dire. Je lui dirai au moment où je le vois, en fait, effectivement. D'où on aura plein de choses à se raconter. Bah ouais, c'est ça. Après, à titre d'exemple, par exemple, je me souviens quand toi t'as quitté Chrono, avant de se voyait un petit peu, etc. Quand t'as quitté Chrono et que moi j'ai commencé à me mettre avec Amandine et que ensuite j'ai quitté Chrono, je crois qu'on a eu une période de 4-5 mois sans se parler, sans se voir ni rien du tout. Et pourtant aujourd'hui on bosse ensemble. Enfin, je veux dire, c'est oui, ça n'empêche pas quoi. C'est quelque chose que moi je notifie même pas, je me rends pas compte. Oui, c'est ça. Je sais pas, il y avait une période où t'étais peu revenu à Nantes aussi, où on avait dû peu se voir. Je sais pas, il y a des trucs comme ça, et j'ai du mal à recontextualiser, me dire ouais, putain, ça fait tout ce temps-là qu'on s'est pas vu, ou. Parce que je le réfléchis pas, je vis mon truc, et enfin, je fais un peu plein de choses dans tous les sens, peut-être que ça m'aide, mais. Après, je pense que dans les cas comme ça, on n'a pas la notion du temps, puisqu'on est certainement occupé quasi H24, donc le temps passe plus vite, et on n'a pas le temps de se dire mais tiens, j'ai pas une nouvelle depuis, je sais pas, genre un an, machin. Enfin, je sais pas. Moi, je sais que quand je suis en escale, déjà, j'arrive. Enfin, je peux pas trop donner de nouvelles parce que soit je suis occupé, soit je profite donc de l'escale machin, ou alors soit les SMS coûtent super cher. Ben, ou alors j'ai pas genre au Brésil ou autre, j'ai pas internet, j'ai pas de données mobiles, donc c'est le wifi de l'hôtel. Et l'hôtel, j'y suis fin de journée quand on rentre, genre une heure, le temps de se changer, tout ça, de ressortir, boire des verres, aller au resto, rentrer, se coucher en fait. Et le lendemain matin, bah, petit déj, on remonte, on brosse les dents, pardon. On s'habille. Parce que tu as découvert la brosse à dents assez récemment. Ouais, exactement. Et puis on s'habille, puis on sort. Donc. Mais du coup, effectivement, toi, ça te déconnecte, mais ça te fait pas non plus un manque de pas donner de nouvelles. Non. Enfin, ça m'obsède pas non plus. Je vais pas me dire, oh tiens, il m'a pas donné de nouvelles depuis. Non. Enfin, il y a des choses tellement plus graves en fait. Ouais. Après, je sais que si, par exemple, une personne que j'avais pas discuté, bah, ne serait-ce qu'avec toi, admettons, pour prendre l'exemple, on s'est pas parlé, genre pendant. Je sais pas, 3 mois, admettons. C'est vrai que je me dis, bah tiens, j'ai pas une nouvelle, bah, généralement, c'est pour ça que je t'envoie un message, ça va, salut, ça va, tu vois. Ouais. Pour le ça va. Mais, sinon, je vais pas me dire. Enfin, je vais pas le prendre mal, quoi. Mais oui, si j'ai pas besoin d'avoir une régularité, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'ai déjà eu cette remarque-là, venant de Jean, effectivement. Oui, j'allais y venir, ouais. Ouais, mais je crois qu'on. Bah, on l'a évoqué aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui. Je crois, je sais plus. On l'avait déjà évoqué un moment, oui. Ouais, ce truc-là de « ouais, tu me donnes pas de nouvelles, ouais. Qu'est-ce que je suis pour toi ?» ou ce truc-là, quand je reçois ce genre de remarques, je me dis « merde, enfin, tout va bien, en fait, il n'y avait pas de problème, c'est juste qu'on ne s'est pas écrit. » Juste que tu as une vie de merde, en fait, c'est tout. Je sais. Bon, on n'a pas dit qui c'était, on ne va pas dire si c'est vrai ou pas. Mais en plus, tu sais quoi, c'est entre vous deux, parce que je ne vois absolument pas de qui vous parlez. On l'a pas évoqué sous cet angle-là, mais je crois qu'on en a parlé cet après. Ah d'accord. Mais j'étais pas là. Non mais j'ai eu cette remarque effectivement de tiens, tu me donnes pas de nouvelles, on n'a plus de contact, je sais pas quoi, et ouais. Bah, du coup ça ne signifie rien. Et en fait pas du tout, c'est juste que c'est pas réfléchi et j'ai d'autres trucs à faire effectivement et je le mets pas du tout en lien de causalité, cause à effet. Et voilà. En lien. Tout court en fait, faut arrêter de mettre des mots. Bah, je pense qu'on s'attarde plus sur des choses beaucoup plus utiles que de se reprocher de ne pas se donner de nouvelles, en fait. Oui, voilà. Et puis, effectivement, après, pour ne pas se donner de nouvelles, on est toujours deux. Il y en a un qui le fait pas et l'autre qui le fait pas non plus. Oui, c'est ça, quoi. Oui. Et tu m'écris pas, mais en fait, toi non plus. Du coup, là, tu viens de le faire, mais vraiment pour un reproche. Après, comme tu disais tout à l'heure, Elliot, ça, admettons, je sais pas, je demande, tiens, où est-ce qu'il est, Paul? Bah, si tu touches Facebook, tu vois, par exemple, qu'il s'est géolocalisé à Dunkerque, bah, tu vas pas te demander où est-ce qu'il est, tu l'as vu. Ouais. C'est ça en fait. Donc, ça enlève un peu le côté cool de demander à la personne. Non, mais si. Certes, oui, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. En gros, avec les réseaux sociaux maintenant, Instagram et compagnie, limite, t'as toutes les infos servies sur un plateau, puisque les gens, ils dévoilent tout. Moi, je sais que sur Facebook, je mets pas spécialement de choses. Je mets quand je viens à Nantes, parce que comme ça, quand les gens le voient, au moins, ça permet à ce qu'ils envoient des messages. Ah, vas-y, on essaie de se caler, machin. C'est vraiment que pour ça. Mais. C'est tout en fait. Je vois pas ce que je dis à part les conneries, tout ce que je mets. Donc, donc effectivement, bah, grâce ou à cause des réseaux sociaux, soit les gens communiquent un petit peu moins, puisqu'on a déjà toutes les infos qui sont à lire, ou alors les gens parlent davantage s'ils sont très éloignés, puis qu'ils émettent rien. Je sais pas comment. Après, jusqu'à ce fameux jour où tu vas sur la page Facebook de quelqu'un et que, au lieu de savoir qu'il est, je sais plus dans quel pays t'as dit, dans quelle ville, c'est transformé en mur de doléances. Je sais plus. Il y a cette fonctionnalité sur Facebook maintenant. Vous rend visible encore la page de machin en mémoire ou. C'est glauque. Mais surtout que c'est marqué dans la description, en gros, pour t'aider à faire le deuil ou alors pour accompagner ou je sais pas quoi. Pour remémorer, il y a des trucs. Ouais, sauf que en quoi tu. Justement, quand tu te remémores les choses, c'est que tu ressasses. Si t'as pas passé cette période de deuil, en fait, tu ressasses, tu passes jamais à autre chose, quoi. Limite, le gars, faut le bloquer, en fait. Moi, je trouve ça un peu maladroit, effectivement. Faut le bloquer. Désolé, je t'ai bloqué parce que t'es dead. Pardon. Bah, du coup, il va pas répondre. Bah après, il donne pas de nouvelles non plus. Bah, parlons-en. Mais là, pour une bonne raison, et quand elle est checkée, faire ta fouine, bah effectivement, il y avait une. Et c'est là qu'interviennent les médiums. Ils donnent des nouvelles. Okay. C'est un peu le Facebook des morts, en fait. C'est le Facebook voilà, bon, des morts, le réseau social. Ça, c'est pourri. C'est vraiment pourri. Face mort. Bien sûr, je respecte. Alors, je précise que je respecte le travail de tous les médiums et médiums. Oui. Médiumettes. Ouais. Ouais. Genre, quoi. Ouais. Mais après, ouais. Les cimetières, ils se remplissent et je suis sûr que d'ici des siècles, ben, le cimetière, ils seront en ligne. Quoi. Enfin, je veux dire, il n'y aura plus de. Les corps, ils seront peut-être tous incinérés parce qu'il n'y a plus de place et on aura notre pierre tombale en ligne. Tu vois. Putain, c'est un super truc ça. Putain, la vache, bah, moi je pense que ce sera forcément comme ça dans le futur. Tu auras quoi. Une page web à ton nom en la mémoire de. Ouais, et pourquoi pas une tombe en hologramme? Ou une holotombe. Des tombes en holo. Une holotombe. Ils te mettent ta tombe sur clé USB et tu dis il faut que tu la branches. Qui est une écrivaine. On dit écrivaine ou écrivain? C'est un grand débat aussi. Hein. Ah, mais d'ailleurs, en parlant de féminisation des mots, la dernière fois j'ai fait un vol et c'était une commandante de bord. Mm-hmm. Et donc, du coup, au débarquement, il y a une cliente qui m'interpelle. Elle me dit dans votre présentation, chef de cabine, vous avez dit madame la commandante de bord et non pas madame la commandante de bord. Il me dit, je suis pour la féminisation des noms, etc. J'ai dit, écoutez, on a eu le débat avec ma collègue, peut-être deux minutes avant qu'elle nous interpelle là-dessus, parce qu'elle nous dit, est-ce que moi je suis avocate et pas avocat. Bon, ceci dit, ça se dit beaucoup plus couramment avocate. Mm-hmm. On ne dit pas une oui, avocat, enfin ouais, je crois. Ouais. Moi je dis mon avocate, ouais. Voilà. Mais, et donc du coup, la commandante, voilà, de bord a dit bah, que... Elle, ça l'était complètement égal. Donc, on peut féminiser. Mais il ne faut pas imposer les autres d'un féminiser, je ne sais pas. Moi. J'ai entendu la même chose avec auteur. Que, auteuresse, je ne sais plus comment on dit. Auteur avec un E. Auteur. Eh bien, non, j'ai eu le auteuresse ou autrice. Ah oui. Autrice. Ah oui, tu. Ah ouais. J'ai déjà entendu que je trouve ça absolument pas beau à prononcer, mais si ça beau. Fait plaisir. Pourquoi pas, il y a lecteur, lectrice. Pourquoi pas Moi, je trouve ça moche parce qu'aussi, on n'est pas habitué et qu'on vient d'une culture qui est ce qu'elle est. Hein, oui. À nous de la changer. Mais c'est pourquoi pas. Hein, mais après, je vois aussi effectivement auteur avec un E à la fin. Et les chef j'ai entendu avec des auteurs en parler et qui préféraient auteur et pas autrice. Après, c'est propre à chacun. Moi, quelque part, le fait qu'on utilise des mots masculins pour désigner des postes qui peuvent être tenus par des femmes, ça me dérange pas dans le sens où l'inverse ne me dérangerait pas non plus. Par exemple, ouais, je suis réceptionnaire. C'est comme sage-femme. Et si oui, sage-femme, par exemple, ouais. Mais même pour homme, on dit sage-femme. On dit sage-femme. Mais si je devais être sage-femme et qu'on me dit t'es sage-femme, ben ouais, enfin je m'en fiche en fait. C'est pour ça que ça me dérange pas. Mais après, c'est vrai que je comprends que ça puisse déranger parce que c'est vraiment que l'abus. C'est que du masculin pour des féminins, quoi. Oui, et puis tout ce qu'elle subit, c'est. On fera pas la liste, mais effectivement, après, je comprends que ça fasse chier. Mais l'inverse ne me ferait pas chier, effectivement, hein, si on me disait... C'est pour ça que ça me bloque pas. La photographe, ça marche pas. Une vidéatrice. Photographette. Vidéaste, tout ça. Si on me disait réalisatrice, ça me casserait pas les couilles. Encore une fois, je trouve que c'est déplacer un problème là où il n'a pas lieu d'être, en fait. Et c'est pas ça qui va aussi définir les compétences de chacun. Quand on dit, tu prends l'exemple d'Amélie Othon, on dit que c'est une écrivaine ou un écrivain, ça reste quand même une personne qui fait très bien son... Oui, mais je comprends que pour certains, ça puisse s'inscrire aussi dans une évolution de conscience. Oui, bien sûr. C'est le résultat, normalement. C'est un cheval de bataille. Pour moi, c'est futile, effectivement, mais ça peut être un résultat de... Et c'est important aussi. C'est le témoin d'une société qui... Qui évolue. Voilà. Qui a compris... Un des témoins, en tout cas. Ouais. Déjà, en parlant d'évolution de cette idée-là... C'est comme la dernière fois, je regardais la télé, comme ça n'arrive pas spécialement souvent, mais voilà. La pub, je crois pour la lessive, où en fait, la pub fait... Enfin, en gros, il y a une petite fille ou un petit garçon qui découvre que le père aussi fait la lessive. Et en fait, et dans la pub, ça dit, en gros, si je me souviens bien... qu'il n'y a pas que les femmes qui font la lessive, pardon. En gros, enfin... Ouais, après, moi, je serais du genre à dire, putain, c'est dommage qu'on soit obligé de faire ça, mais du coup, si on le fait, c'est que c'est obligé, ouais. Parce que parce qu'il y a un truc qui ne va pas là-dessus, évidemment. Mais, ok. Voilà. Moi, j'ai vu une... Je pense que c'est vieux. J'ai vu une pub, je crois que c'est chinois, c'est asiatique en tout cas, c'est sûr. Ou du coup, c'est pour laver des fringues. Pareil, c'est de la lessive. Et du coup, c'est une nana, une chinoise là, qui fait hop, qui met des trucs dans sa machine à laver. Et puis il y a son mec qui est black qui arrive. Elle le voit, elle fait une gueule bizarre, elle le met dans la machine à laver et il ressort chinois. Oh. Je sais pas si... À mon avis, c'est un gros troll, j'en sais rien. Et tu sais, c'est en 4 tiers, donc, ou c'est un vieux truc, je sais pas. C'est en noir et blanc déjà. C'est vraiment... J'ai vraiment vu ça, quoi. Dès qu'on met un truc en 4 tiers, nous, c'est une grosse connerie. Du coup, ouais, peut-être que c'est une grosse connerie. Je pense que c'est une grosse connerie, mais j'ai trouvé ça abusé, quoi. J'étais là, non, c'est pas possible. C'est horrible. Mais après, tellement que c'est gros, ça en devient drôle, même si c'est grave. Ah, il est bien cassé ton ordi derrière. T'as des chats ? Bibop Chaumeton m'a déglingué mon ordinateur cette nuit. Voilà. Donc, il l'a fait tomber. Attends, voilà. Donc, on peut remarquer le résultat, voilà, qui se trouve à peu près comme ça. Magnifique. Donc là, on a tout le plastique là qui est pété. Et ici, là, il y a un morceau de plastique. Là aussi, je pense que c'était attaché, c'est pété. Donc voilà, merci Bibop, le chat, qu'on a vu dans Speedwatching maintes fois. Voilà, et en plus, c'est hyper stylé parce que du coup, on aura vu le plan caméra embarqué. C'est génial, je suis très content d'avoir fait ça. Enfin, non, mais il en faut peu pour être heureux. C'est Balou qui l'a dit. Bah, mais oui. C'est arrivé cette nuit. Hein. Franchement, c'est une exclue de cette nuit-là. On peut pas être au plus proche de l'actualité. J'allais dire l'actualité actuelle, vraiment. Je suis désolé. Alors moi, j'aime bien dire particulièrement particulière. Voilà. Ah, yes. C'est nul. Hein. Oui. Mais c'est dans la même perspective que ce que bon, tu viens je commence dire. Par une petite image. Alors, on va contextualiser. Oui, on passe au truc fun et drôle et d'actu. Les et... conneries qu'on trouve sur Internet. Voilà, on arrête les trucs sérieux où on parle et on fait n'importe quoi maintenant. Vous avez tous Snapchat ? Enfin, tous, on a tous utilisé Snapchat. On a tous utilisé. On sait qu'il y a des filtres avec les oreilles, les nez, les machins. Mm-hmm. Donc, voilà. Parce qu'il y a enfin le filtre Beats. C'est utilisé dans toutes circonstances. Ah, putain, ça. Ça fait mal. Franchement, ça fait vraiment mal. Donc, il faut décrire quand même. C'est vraiment la glauquitude. Ils le verront, là. Ils l'ont vu, ça y est. Ah, ils oui. ont, ah, ils oui, ont parce pleuré que là, en même temps que nous. Elle là. Va être affichée là, nous, on ah, sera bah, c'est tout parfait. Petit, là. Ah bah, très donc bien. Voilà. Donc, alors du coup là elle a commenté parce qu'il y a pas toute l'image, il y a marqué un dernier selfie j'ai avec juste, papa. Ou... J'ai juste ça, mais bon ben voilà, comme quoi dans toutes circonstances. C'est un troll, c'est pas possible. Ça se trouve dans tous les cas elle a pris un selfie, et c'est dégueulasse. Mais en plus il y a les oreilles. Ça se trouve on fait du porn avec ça, hein, j'en sais rien. J'en sais mais rien. En tout cas elle aussi elle a le nez. On bah, elle a beaucoup. Un bout de nez, ouais. Ouais elle a juste le bout du nez. Donc je sais pas si c'est. Tu vois cacahuète. Voilà. On lui a raccommodé. Alors. Avec du joli fil d'oreille. On va avoir une petite illustration. Voilà. Donc, c'est caché, c'est fait exprès. C'est parce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ah. Donc, petite illustration d'un volcan avec deux personnes. Donc, en fait, qui est le. En gros, ça a été mis en image par rapport à la photo d'un volcan où c'est la fumée. En fait, on voit des choses dans la fumée. Sauf qu'avec le vent, ça fait des trucs un peu moins chrétiens. Et du coup, je trouvais ça super drôle. Tu vois, au début, je me dis, oh, c'est mignon. Bah, oui, après, c'est quand même mignon, mais c'est moins, quelque moins part, grand public. Quelque part, l'histoire est crédible. Ça reste crédible quand même. La dame de sa personne, en tout cas. C'est important. Voilà, j'ai trouvé ça, ça m'a fait rire. On va passer à une petite vidéo. Donc, ça se passe à Venise. Donc c'est un c'est à la verticale, donc c'est certainement filmé au smartphone. Et ce qui fait rire, c'est le petit rire du mec qui filme. bref, vous allez voir. Je le sens venir. J'ai rigolé comme lui, putain. Mais voilà. Voilà, des touristes qui se font niquer par... Inondés. Après, du coup, je savais pas où c'était, donc j'ai fait un petit peu de recherche. Apparemment, ça se passe à Venise. Et... j'ai vu comme quoi, en fait, il y avait une limite par rapport à la vitesse sur laquelle on va sur l'eau. Parce que sinon, ça par rapport à la corrosion des bâtiments... Mais là, vu qu'il y a des sirènes, c'est, je pense que c'est un truc, ça doit être une urgence ou une connerie, je sais pas. Alors moi, ce qu'il faudrait relever, c'est le monsieur qui arrive avec son short, là, il marche sur, donc derrière la dame, ouais. Il marche sur les talons. On voit la technique du gars. C'est vrai. Le gars, il a l'habitude de marcher sur l'eau, enfin de marcher dans les zones inondées. Il a bien compris. Voilà, j'y donnais. C'est con, moi j'aurais fait l'inverse, j'aurais fait sur les pointes, sans réfléchir. Bah moi j'aurais mis le pied dedans. C'est simple sur les pas. Parce que là, tu prends le risque en fait de tomber, tu t'arroses davantage que si tu marches normalement. Sachant que concrètement, il n'y a pas non plus 10 mètres d'eau. Après, je crois qu'elle est un peu dégueulasse à Venise, c'est peut-être ça qui les embête. C'est possible. On leur demandera si on les retrouve. On vous est invité à ce podcast. Avec monsieur Amin. Avec monsieur Amin. Voilà. Voilà pour les images drôles, c'est bon. Yes. Je me suis mis sur Instagram. Je suis une page, je sais pas comment on dit. Un compte. Un compte. Un compte qui s'appelle We Have a Wish. Et en fait, je crois que j'ai dû t'en parler, Johan, il y a pas très longtemps. C'est en fait c'est des news positives. Ah, en fait, yes. Ouais. C'est des personnes qui ont créé, je sais pas comment dire, une association, je sais pas. Et en fait, tous les jours, ils postent une news positive en fait pour combattre en fait, en quelque sorte, la négativité des médias d'aujourd'hui, en fait, parce que... Après, c'est pas vrai, parce que vraiment, en fin d'émission, il parle de Patrick qui fait son propre fromage de chèvre et au fin fond de sa campagne. Et, du côté de chez vous. Le sujet dure 2 minutes 30. Sur 45 c'est beaucoup, minutes. C'est beaucoup sur 45 30. Minutes de... Oui. Vraiment, il fait juste du fromage de chèvre. Ouais. C'est bien, mais... Donc voilà, ils sont en train d'essayer de développer une application. C'est vraiment... tout neuf, il y a pas beaucoup de gens qui... J'ai découvert ça sur le stream, encore une fois, ils l'ont présenté. Je trouvais ça super intéressant. Donc voilà, je comptais vous lire une ou deux news, en fait. Par exemple, celle d'aujourd'hui. Satisfaire son appétit en préservant la planète. Donc en fait, ça parle de viande de culture. En gros, il y a des recherches qui ont été faites. Qui consiste à prélever une cellule de muscle d'une vache, en fait, et de la diviser pour la multiplier. Et donc, en gros, alors je vous lis la phrase parce que c'est vraiment scientifique. Les cellules fusionnent ensuite pour former des myotubes qui, une fois traités, musclent la viande afin d'en produire de vrais morceaux. Cette technique permettrait d'en obtenir jusqu'à 10 000 kilos à partir d'une seule cellule. Donc cette augmentation des capacités de production en laboratoire permettrait de réduire considérablement le nombre de vaches exploitées dans le monde, passant ainsi de 1,5 milliard à 10 000 environ, ce qui entraînerait logiquement une réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre et 90% de la quantité d'eau utilisée et empêcherait la transformation de terrains forestiers en pâturage. Donc c'est biologique, moi ça me gêne un petit peu tout ce qui est créé par l'homme en fait... je suis pas trop fan, mais si ça permet de... Là, je veux dire, le ratio, il parle de passer de 1,5 milliard de vaches exploitées à 10 000. Mais déjà, quand tu me dis qu'il y a 1,5 milliard de vaches, ça fait quand même peur. Je sais pas combien on est sur la planète. C'est par an. Ouais. Oui, oui. Je disais les chiffres, mais... Bah oui, bien sûr. Et surtout que ça, c'est que les vaches, on parle pas des poulets et compagnie. C'est que les vaches. Moi, pour le chiffre, hein, le nombre d'animaux... tout confondu, mm-hmm. qu'on tue par an, c'est oui. le nombre de l'humanité. C'est le nombre d'hommes qu'il y a eu sur la planète depuis oui. que l'homme existe, par an. Oui, c'est affreux. Voilà, c'est le chiffre qui m'a fait arrêter. C'est affreux, oui. Et du coup, même si c'est de la viande créée par laboratoire, si ça peut être une alternative pour réduire ça, c'est quand même plutôt pas mal. Du coup, il ne crée pas une vache qui galope, il crée une viande qui se développe. Il crée une viande, en fait. Il crée vraiment une viande, en fait. Ça crée un pain de mie qui grossit. Oui, c'est pas un truc vivant, en fait, que ça... Bah, ça me dérangerait moins, même si c'est un peu chelou. C'est chelou, en fait, dans le fait que tu te dises que tu vas manger quelque chose qui a été créé biologiquement. C'est chelou parce qu'on n'a pas l'habitude, ouais. je pense. Après, moi, ce qui me dérangerait moins, c'est qu'il n'y a pas de conscience. Mais par contre, oui, voilà. C'est que tu tues pas quelqu'un qui va souffrir, tu tues quelque chose qui se développe et en tout cas, on n'a pas conscience que ça a conscience. À moins que le pavé de viande fasse... Là, je le mange pas. Ils vont revendiquer leurs droits, attention, après. Bah, moi aussi, je veux ma part. Pardon. Ah, c'est stylé, ça pourrait... putain, c'est impressionnant le chiffre, 10 000. Au lieu d'un 1,5 milliard à ouais. 10 000. 10 000, la vache. Tu divises par... Par un million, peut-être bien, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est... Tu veux qu'on fasse le... Vas-y. Tu vois, si Monsieur Amine était là, il nous aurait fait le calcul direct. Non, mais on aurait eu la démonstration de A à Z, pour reprendre le propos. Là, on l'aurait déjà. Tu aurais eu le petit sourire. 1,5 milliard. Ouais. Alors, là, je suis... Donc, million, attention, 10 puissance 1, combien 1, 2, 3. Donc, il y a 12 de série de chiffres. Là, non, hop là. Je peux pas faire aussi gros sur mon iPhone. Bah. Des zéros, il n'y a pas. Alors, tu sais que tu peux aussi demander à Siri de te faire le calcul. Ah ouais, vas-y. Si t'as Siri. Il faut diviser 1,5 milliard par... Par 10 000. Par 10 000. Siri divise 1,5 milliard par 10 000. Voilà. Non, mais non, elle a fait... Non, parce que le par, elle a vu fois, en fait. Elle a vu fois. Non, faut que je fasse 1,5 milliard divisé par... Ok. Siri divise... Bah non, merde. Ferme-la. Alors... Je vais y aller avec toi. 1,5 milliard divisé par 10 000. 500 000. 500 000 fois moins d'exploitation. Note du monteur, bande de Trouduc, 1 500 millions divisé par 10 000 est simplement égal à 150 000. Monsieur le prof de maths, au secours. La vache. Ouais. Ah oui, enfin les vaches. La viande de vache. Pour le, coup, le steak, quoi. Mais je m'abonne en direct à ce compte. Et je vais en lire une deuxième tant qu'on est lancé. Tu peux l'envoyer, s'il te plaît? Ouais, je t'envoie ça direct. Merci. Ils ont retrouvé une espèce de tortue qui avait disparu il y a 100 ans, en fait. Et en fait, c'est sur l'île Fernandina, dans l'archipel des Galapagos, à l'ouest de l'océan Pacifique. Je ne sais pas où c'est. Pourquoi t'as un accent marseillais tout d'un coup ? Non, c'est parce que c'est pour articuler, parce que quand je fais cet accent, j'articule. Du coup, là, ça me permet de lire et d'articuler en même temps. Et du coup, en fait, c'est que tout simplement, ces tortues-là qui sont très rares, je pense, elles se reposaient sur cette île, en fait. C'est que elles sont posées là, elles sortent quasiment jamais. C'est pour ça qu'on les avait perdues de vue depuis 100 ans. Et voilà, je trouve ça c'est sympa, en fait. Elles existent encore. Voilà, c'est une espèce qui a survécu à l'homme encore aujourd'hui. Mais du coup, vu qu'avant on savait pas, maintenant, grâce à ça, on va le savoir. J'espère qu'ils vont quand même continuer à leur foutre la paix. Quoi. Bah, du coup, maintenant, ils vont les mettre dans des petites bouteilles en plastique pour les envoyer au bout du monde, pour les mettre dans des porte-bonheur enfermés. Ah, bah ça va. Alors, j'ai eu voilà. Peur, ce soit autre chose. Vendu 2 euros, tu sais, à Paris, sur les grands espaces. À mon avis, c'est des tortues de 200 kilos, ça. Je suis pas sûr. Oui, mais ils vont réussir à les mettre dans une bouteille en plastique. Ils vont prendre une cellule. Ils ont des perroquets, des renards, ils vont réussir à la mettre dans une bouteille en plastique. Bon, c'est bref, en gros, je voulais vous faire découvrir ce petit conte que. Voilà, il faut que ça grandisse parce que c'est vrai que ça fait du bien chaque jour de voir leurs petites news. En plus, c'est super bien illustré, c'est bien écrit. Et c'est des gens qui font ça bénévolement, qui ont un autre travail à côté et qui aimeraient bien faire que ça, mais c'est compliqué forcément. Donc voilà, si vous aimez bien ça, soutenez-les. Si vous aimez bien et entendre des trucs heureux. C'est pour ça que moi j'ai arrêté de regarder les médias. Clairement. Bah oui. Bah, d'ailleurs, j'ai que ça en news parce qu'aujourd'hui, on parle que de la cathédrale en feu et de je sais plus quoi. Il y a un autre truc qui s'est passé. La planète qui meurt tous les jours ? Non ? Bah ça, on n'en parle pas. Non, voilà. Oui, non, pardon, je me trompe. Ça, on n'en parle pas. C'est hyper grave, mais on n'en parle pas. Par contre, la cathédrale, oui. Ouais. D'ailleurs, est-ce que. J'ai vu qu'il y avait des gens qui vendaient des cendres de la cathédrale. Oh non. Si. Ah. Effectivement, il y a... Vraiment. Ouais. Par contre, c'est hyper intelligent. C'est hyper futé. Jamais j'aurais pensé à ça. Quoi. Non, ah, c'est génial. Mais c'est religieux. Enfin, quelque part, ils sont pas cons, mais oui, c'est horrible. Bah, ça a parlé un peu d'apocalypse, quand même. De ceux qui croient dur comme fer, on va dire, qui sont très, très croyants. Mmh. Ça parle, c'est un signe incroyable que la cathédrale ait pris feu. Oui. Ça aurait été l'Elysée, ils auraient peut-être pas pensé ça, ou je sais pas quel monument, l'Arc de Triomphe, il n'y a pas beaucoup de bois, bref. Et voilà. Du coup, la contrefaçon de cendre de cathédrale, c'est la cigarette, c'est quoi ce... Ah, parce que du coup, il y a un bise à se faire, moi j'ai des bûches. Ou du charbon, tu vas chez Leclerc, Carrefour ou Casino. Ah, hein. Tu revends ça, mon gars, au kilo, c'est hyper cher. Hein. Je pense que c'est plus cher que la coke au kilo. Hein. Attends, les cendres de Notre-Dame. Ouais. Du coup, on peut pas vendre des cendres du Christ ? Enfin, je sais pas, peut-être lancer un bise. Ah, je crois que j'en ai d'ailleurs. J'en ai retrouvé. D'ailleurs, c'est quand un petit peu blasphématoire tout ça. J'aurais tendance à dire j'en ai rien à foutre. On plaisante. Wow. Wow. Ok, on plaisante, mais je me dédouane et j'assume. Bonjour Christine Boutin. Mais par contre, on t'invite pas. Non, tu viens pas. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, on va clore cette émission. Ouais. Ça doit faire une bonne heure qu'on vous parle. Plus. Merci Antoine d'être venu. Merci. Avec plaisir. Actuellement chef de cabine chez June. Mm-hmm. Bah cool, félicitations pour ce beau parcours exemplaire. Oui, merci. Bah, exemplaire, je sais pas. Et parsemé de passion et de réussite et d'envie. Exactement. La passion, c'est hyper important. Et surtout faire ce à quoi on aspire au quotidien, c'est hyper important. Se faire kiffer. C'est ça. Mm. Et on n'aura pas l'impression de travailler une seule fois. Je sais plus qu'est-ce qu'a dit ça, Confucius, je crois. Il y a je un sais truc plus. Comme ça. Bref, en gros, fais un travail qui te passionne et tu n'auras pas l'impression de travailler une seule fois dans ta vie. Je crois quelque chose ouais. comme ça. Ah. C'est mon cas depuis 4 ans déjà. Ouais. Voilà. Moi, ça fait que 3 ans que j'ai pas travaillé. Enfin, bah, sauf le petit rappeur. Le petit ramoneur. Le petit ramoneur. Pourquoi il me crie-tu le petit ramoneur? Allez, c'est la 15e réplique des visiteurs aujourd'hui. D'ailleurs, il a défenestré Derrick. Il a défenestré Derrick. Rends cette mousse vilaine. Tiens ça vilaine. Il ne va point la manger. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission. On vous retrouve pour une prochaine avec quelqu'un d'autre ou alors, spoiler alerte, peut-être quelques-uns d'autres, on va voir. Ouais. Et n'hésitez pas à partager s'il y a des gens que vous pensez que ça peut intéresser, inspirer. Faire rire quand on cite les visiteurs ou qui se demandent comment on a un fond qui tourne derrière nous. Voilà, c'est tout. J'ai pas d'autres arguments pour vendre la chaîne. Passez une bonne soirée. Au revoir. La suite du programme, les visiteurs.